Let's go! Dimanche soir, minuit, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Are you ready? Let's go! Are you ready? C'est une bonne soirée, c'est parti pour Rail Suprême comme chaque dimanche soir. DJ Case est là, comment va Case? Très très bien. En pleine forme? Eh oui. En ce 30 mars, qu'est-ce qu'il y a de prévu ce soir au programme? Alors ce soir au programme, on a invité l'homme qu'on appelle l'artiste. Eh voilà. Oui. On est très très content de l'accueillir. Et il va se présenter. Remettez. Remettez, ouais. Et yes. Déconnecté aussi. Ouais, c'est ouais. Ça, déconnecté, remettez, c'est des sons qu'on jouait beaucoup sur Rail Suprême. Exactement, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup ambiancé, notamment dans Rail Suprême et puis un petit peu partout dans toute la France. Ça va bien? Ça va, bonsoir à tous. Eh bah, bienvenue, l'album est donc, ça y est, officiellement dans les bacs, hein, ça ouais, y est, depuis quelques minutes. Ouais, de minuit là. Depuis quelques minutes, on peut le trouver, nouvel album. Exactement. Bon, qu'est-ce qu'il faut savoir sur cet album Phénoméno, l'artiste? Bah, c'est que c'est. Quelque part, on va dire, c'est comme si c'était mon premier album. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a dans l'album? Il y a plein de trucs. Il y a du rap, il y a des trucs qui me correspondent beaucoup plus, des trucs dansés, il y a des trucs. Voilà quoi, il y a des thèmes. Varié, pas mal de choses. On peut cliquer dès maintenant et récupérer l'album. Exactement. Dès maintenant, moi je l'ai écouté, il est super lourd l'album. C'est vrai, Case, tu confirmes. Ah ouais, je confirme. Et on va pouvoir balancer plein d'extraits ce soir. Bien évidemment. Tu vas pouvoir nous ambiancer ça, l'artiste, tu veux bien? Ouais, bien sûr, y a pas de problème. Et bon, on peut y aller, coup d'envoi? Allez. Allez, coup d'envoi ambiancé par l'artiste ce soir. DJ Case est au platine, c'est parti pour Rail Suprême. Hey hey. L'artiste, baby. Nouvelle combinaison. DJ Kaïs sur Rail Suprême. Okay. Yeah. C'est non, même non. Les mains en l'air. Les mains en l'air. Les mains en l'air. Les mains en l'air. Je n'ai pas la crête de Sean Paul ni le compte de Sean. Jamais tire pas sur ma chiche, hein, surtout si t'as les dents jaunes. On est là pour la déconne, on sera pas tous les jours jeune. Toi t'es là, t'es sérieux, mais tu passes une soirée chien. Ma cité a déjà craqué. Avec des gonzesses à croquer. Surtout pas paniquer. C'est pas pour braquer. Respecte la mise. DJ Kaïs, l'artiste baby. Dédicace à mon gars Camro. Phénomène dans les bacs. Tous sur iTunes, la famille. Fous le bordel. Fous le bordel. Fous le bordel. Où le bordel? Où le bordel? Où le bordel? Où le bordel? Où le bordel? Yeah! Où le bordel? Wouh! L'artiste baby! Phénoménal dans les bacs, la famille! Yeah! Il a rien d'un Aladdin. T'as cru qu'il était plein, t'as fini au baladin. C'est comme ça qu'on se balade, hein. Qatari est champion, toujours numéro 1. Que Dieu me pardonne, je vais vider des bouteilles. Je rapporte pour les gosses, salam à tous mes reins. Je sais qu'un jour je vais couler. Oui, que je vais vous saouler. Tant que je serai là, la concurrence va recouler. Jusqu'au bout de la night. Poto, c'est abusé, c'est le phénomène. Au bout de la night. La musique nous a usé, c'est le phénomène. Au bout de la night. Champs-Élysées, cheese photo, pizza pino, vodka tello, tu connais la suite. Yeah. maman. Wouh. Mon Kaizune. Tu connais les bails, hein. Ça c'était lourd, c'était l'été dernier. L'été prochain, on est encore là, la famille. Fous le bordel, yeah, yeah, yeah, yeah. Fous le bordel, fous le bordel, fous le bordel. DJ Case Skyrock, Rai Suprême. On va se la faire ce soir. Yeah. L'artiste baby. Skyrock, Rai Suprême. C'est DJ Case, DJ Case. Laquelle la porte. Partir et je suis la clé. J'ai dit j'ai besoin d'air. Couper mon fun et me. Dédicacé à tous les gens à travers toute la France. Les mecs, les meufs, toutes les communautés, tous les âges. Ça c'est votre tube ça. Je me suis déconnecté. J'ai laissé tomber mes problèmes de côté. Je me suis déconnecté. Je mettrai ce répondeur tout l'été. Phénoménaux. Dans les bacs la famille. Faut aller les chercher demain matin si vous avez pas iTunes. Ne m'appelle pas, je suis pas là. Je désactive mes comptes, je suis avec mes gars, je suis sous le soleil et je fais le hala. Ne m'appelle pas, je suis pas là, la la la la la la la. Je désactive mes comptes, je suis avec ma mara, je suis sous le soleil et je me balade. J'efface mon passé maudit. J'ai mis les bagages dans l'audi. Je suis sous le ciel gris de Paris. Et merci à tous pour ce morceau. Tu tiens marron, tu cries gris. Je démarre la caisse, les vitres et les lunettes fumées au fond. Le nord, le sud, l'est, ouest, toute la France. Tous les pays francophones, les pays du Maghreb, d'Afrique. Tous ceux qui nous ont soutenus. Je réponds plus, un peu de weed, un peu de thune. Je suis frais, je me fais bronzer les plumes. Je coupe le son et l'image, je fais un bisou au village. Dis-leur que j'ai pris le large. J'ai laissé tous mes problèmes de côté. Je me suis déconnecté. Je me mettrai sur répondeur tout l'été. Et j'écouterai du Biggie, du Tupac pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine, je ferai la belle comme Beyoncé. Ne m'appelle pas, je suis pas là. J'active mes comptes, je suis avec mes gars, je suis sous le soleil et je fais le hala. Ne m'appelle pas, je suis pas là, la la la la la la la. Je désactive mes comptes, je suis avec ma mère, je suis sous le soleil et je me balade. Le téléphone fait que sonner. Désolé, je suis pas là. L'artiste baby. Dédicace à Kaina Samet. Rimka. DJ Amiga, 609. DJ Joyce, roulez. Je suis pas là, la la la la la la la la la la la la la la. Je suis avec mes gars, je suis sous le soleil et je fais le hala. Ne m'appelle pas, je suis pas là, la la la la la la la. Je désactive mes comptes. Je suis avec ma mère, je suis sous le soleil et je me balade. Wouh. DJ Case te mixe tous les sons de Rai Suprême en direct sur Skyrock. Sorin souffli, kaber napolitano. Le kahmer gari, khalli l'adgan yigouli. L'hagoun il-dari, khouya d'l'gashimano. Dunya qarratni, billi l'adgan yibano. Sorin souffli, kaber napolitano. DJ Case Rai Suprême. C'est cassé à tout le Maghreb ça. Maroc, Algérie, Tunisie, Libye. Yeah. Toute l'Afrique. Big up by Mintanout. Thank you. dédicace à tonton Rimka. C'est Rai Suprême ce soir. DJ Case. Ma mère m'aurait bien vu à leur place, Rachid Arabe. On ramenait jamais ce qu'on volait à la baraque. Par peur, c'est la marave. Débrouillard, plus tout jeune, un gosse du Rachid System. Beurre et conscient de son potentiel. En France, si facile se retrouver au Hebs. Allah fait, on trempe dans des coups, des trafics. Je suis toujours un petit reflet, toujours à l'affût. Fils de l'espoir, la débrouillard d'Istar, ça. C'est le coup de grippe, Rachid System. Pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux, les adeptes extrêmes. Qui tentent de faire recette, se mangent des coups, se relèvent. Et parfois c'est fatal, ça semble interminable comme les Tifada. Avec les moyens du bord dans tous les domaines, on a la hache par les draps bendo. Et je suis entouré au vert aux critiques, photo. Aussi vrai que j'aime mon pays et que rien le vaut, c'est le Rachid System. DJ Case, Rai Suprême. Dédicacé à toutes les mamans, toutes les mamans. C'est le moment de t'ambiancer chez toi. Bonsoir, DJ Case te mixe tous les sons de Rai Suprême en direct sur Skyrock. Allez, j'tah, j'tah. J'tah, ça veut dire danse. Allez, danse. Classique. Grâce à toutes les chichas de France. Aïe. Tu sais danser le chaoui, c'est le moment de se lever. DJ Case.

Où que tu sois, DJ Kaiz, Rai Supreme, l'artiste Baby avec vous pour vous accompagner ce soir. Allez! Danser, c'est pas grave. Bouge tes bras dans tous les sens. Allez! Wouh! Ah, ok. C'est donc comme ça. Ça rappelle des petits souvenirs, ça. C'est Rai Supreme. L'artiste Baby, DJ Kaiz, Rai Supreme. Phénoméno dans les bacs, la famille. Comme recommande Aidme, Victoria's Secret, le boudin de Sunny, dans ce télé les sites. Quand tu m'envoies des photos, je zoome sur tes fesses. Je suis avec mes potos, rame toutes les tigresses. Fais pas ta Beyoncé, j'ai pas le compte à Carter. Tu vas finir poncé, je ne dure pas qu'un quart d'heure. J'aime quand tu danses ta zumba, genre t'es de Sao Paulo. Mais mon pote y'a rumba, pense que t'es une choroto. Le ramadan est fini, tu peux refaire ta folle. Enchaîner les garetti et les bouteilles d'alcool. Je te paye un jean, fais les pleins. Mais ma chérie, faut le remplir. Si t'as le cordon, fais les pas. Panolo, je vais sortir. Au pire, il me reste mes mains. Et des photos de Rihanna. Quelques rouleaux de sopalin. Et je suis à Punta Cana. Yeah. On y va, on y va, on y va. On y va. L'artiste Baby Skyrock, Rai Supreme. Ce mec est DJ Kaiz. Dédicace à mon frérot Yakuba. Yako, courage mon frère. Yeah, you are. Yeah, yeah. Purple money. Purple money. Mais qui t'a dit que c'était de l'eau? Ah, c'est Cameroun. Rai Supreme, c'est DJ Kaiz, DJ Kaiz. Hey, yo! Champagne et vodka, champagne, whisky, coca. Champagne et vodka, hey, yo! Champagne, whisky, coca. Eh, faut pas boire en conduisant. Champagne et vodka, champagne et vodka. L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. Hey, yo! L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. Eh? L'alcool, c'est de l'eau. Ok. L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. C'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. Eh non, tu rêves pas. L'alcool, c'est de l'eau. C'est bien l'artiste Baby, DJ Kaiz. L'alcool, c'est de l'eau. Ce Rai Supreme. C'est de l'eau. Mon gars Cameron. C'est de l'eau. Skyrock, Rai Supreme. Ça, c'est pour Rabat, ça. Papi. le coin. C'est Rail Suprême Skyrock. United, à toutes les communautés, les Turcs, les Hindous, les Bantous, Renoir, tout le monde, la famille, on est international ici, c'est pour tout le monde. En Suisse, au Canada, ceux qui nous écoutent sur internet, vous avez aussi le droit de danser. C'est DJ Kaze sur Rail Suprême avec l'artiste Baby. Ok. Bon, une petite exclue pour vous, la famille. L'album il est dans les bacs, ça s'appelle Phénoméno, c'est l'artiste Baby. Ok. La nuit tu fais des cauchemars, on fait des rodéos. Démarre le fer vite, évite la monde est off. Dans ce game de merde, tout le monde est off. Vite prince, vite château dans les vidéos. Tout ça pour ça, gratter une broussa. Lâcher du flou ça, pour les couscousa. Oh merde, ça c'est pour mes petites créatures. Je monte sur scène et je remonte la température. Tu me connais, c'est dans ma nature. De foutre le feu, je fais danser les belles types. Sauf qui peut, je ramène le sunshine. Même qui pleut, si ton mec veut plus tu m'écoutes. Ma belle quitte-le. Parce qu'un bonhomme ça se fait rare. Combien sont vraiment positifs, je fais pas de théâtre, pas d'opéra, reste sincère, tu racontes ta vie. Donde quando, les maquerelles veulent tout savoir. Je vais leur montrer mon combo, ferme-la, ramène à boire. Donde quando, les maquerelles veulent tout savoir. Je vais leur montrer mon combo, ferme-la, ramène à boire. Et c'est le king de la fiesta, technique comme Iniesta. Même avec un costard, je fais jamais la resta. Fais pas le malin, je suis bipolaire, je pourrais être malhonnête. Valtrain, tu vas déballonner, je suis rare comme un marionnette. J'affole les baromètres, tout le monde veut régner sur la gaule. Donc aujourd'hui, pour être crédible, pour avoir fait d'atoll. Ok, donc j'ai rien compris. Mais je passe le salam à mes frères en zompris. Ceux qui n'ont pas choisi, c'est destin noirci. Les autres, je les baise avec courtoisie. Je viens du 9-3, chez moi c'est la jungle. On est jeune, taré, grande gueule. Bébé, danse sur mes singles. Roule pour le purple. Bébé. Les maquerelles veulent tout savoir. Je vais leur montrer mon combo. Ferme-la, ramène à boire. L'artiste Baby. Star Rock, Rock, Rail Suprême. Je vais leur montrer mon combo. C'est l'artiste Baby sur Rail Suprême avec mon gars GGK. L'album est dans les bacs, la famille. Ça s'appelle Phénoméno. Tu peux le trouver partout. Donne quando. Les maquerelles veulent tout savoir. Je vais leur montrer mon combo. Ferme-la, ramène-la voir. Donne quando. Les maquerelles veulent tout savoir. Je vais leur montrer mon combo. Ferme-la, ramène-la voir. Donne quando. Les maquerelles veulent tout savoir. Montrez mon combo, ferme-la, ramène-la boire. Donne des quando, les maquerelles veulent tout savoir. Tu es artiste, baby. Ferme-la, ramène-la boire. C'est dans les bacs, la famille, Phénoméno. Allez soutenir l'artiste, baby. C'est Skyrock et c'est Rail Suprême le dimanche soir avec DJ Case qui est là. Et ce soir, l'artiste est là aussi. Yes. Qui ambiance en plus l'émission. Et qui ambiance comme un dingue cette émission. Ce soir, Rail Suprême ambiancé par l'artiste avec le projet Phénoméno qui est dans les bacs depuis une grosse trentaine de minutes maintenant. Ouais. Dans les bacs digitales pour l'instant, hein, on peut aller cliquer pour le récupérer. Ouais, faut aller cliquer pour le récupérer. Demain en magasin, dès l'ouverture. Pour ceux qui n'ont pas de carte bleue ou d'iTunes. Ceux qui ont iTunes, voilà quoi. Allez soutenir la famille, l'artiste Baby. Tu l'as fait avec qui, les prods, les gens qui ont bossé avec toi dessus, cet album Phénoméno? Alors, pour ceux qui l'ont précommandé, il y a 16 titres. Bon, maintenant c'est un peu trop tard pour ceux qui ne l'ont pas précommandé. Mais voilà, il y a deux titres bonus, dont un qui est composé par E-Rise. Ouais. Sinon, l'ensemble des titres, je les ai composés. Donc tu fais tout. Je fais tout, ouais. Ouais, c'est ma petite marque de fabrique en fait. Ça fait un moment que je travaille comme ça. Voilà, quoi, il y a. Tous les titres, c'est moi et j'ai 4 featuring dessus. Ouais. Dont Rimka, du 113, Clayton Hamilton, de Dr. Baliz et WM. Très bien. Et bah écoute, on va aller cliquer, aller écouter cet album. Ouais. On va même en écouter des extraits maintenant. Sûr, on découvre là en exclusivité. Puisqu'on est reparti pour une nouvelle session, Case ouais. Prêt? Ouais, on y go. Allez, coup d'envoi, c'est parti. La journée sur Skyrock. Let's go. Retrouve tous tes rendez-vous préférés. De 6h à 9h. The Morning Show. Le Morning de D-Fool t'offre 1 500 € cash. De 9h à 20h. Prends un son d'avance avec les meilleures nouveautés. Avec l'album de Sam Smith, son casque Powerbeat 2 et des bons d'achat de 50 € à gagner. À 20h, Planète Rap reçoit Caris. Et à 21h, What the fuck? D-Fool revient en direct pour la plus grande radio libre de France. Skyrock. Skyrock. Du son, du cash et toujours plus de déconnes en direct. Yax, c'est l'appli secrète dont tout le monde parle. Avec Yax, dis à tout le monde ce que tu dis à personne. Tes coups de cœur, tes pensées, tes envies. C'est gratuit et 100% anonyme. Télécharge Yax et découvre en temps réel ce qui se dit dans ta ville, ton quartier, ton bahut. Yax, c'est vraiment toi. Il a gagné 4 Grammy Awards. And the Grammy goes to. Meilleure chanson de l'année, meilleur album, meilleur nouvel artiste, enregistrement de l'année. Sam Smith. Sam Smith. Thank you. Et en plus, tu l'as découvert sur Skyrock. Sam Smith on Skyrock. Écoute Skyrock à tout moment et gagne l'album 4 étoiles de Sam Smith. Plus ton casque officiel Powerbeat 2 pour l'écouter. Skyrock te rajoute aussi des bons d'achat de 50 €. Et comme toujours, récupère du cash avec l'appli Skyrock Cashback en allant acheter ton album de Sam Smith. Skyrock. Skyrock, premier sur Sam Smith. Let's go! Are you ready? Yeah. Raymond Kaizune. Savent-ils vraiment ce qui se prépare? C'est l'artiste Baby sur Rail Suprême. DJ Kaiz, Phénoméno, c'est dans les bacs. Et ça, ça s'appelle Polygame. Le clip est en ligne demain matin. Ok? Je suis polygame. C'est mon malheur. J'aime trop les femmes. C'est mon malheur. Même vous, mesdames. Polygame. Pas d'amalgame. Polygame. Fatigué de chercher la bonne, ce que j'ai franchi l'une, j'ai léché l'autre. Elle ne veut que le sexe et la somme. Si l'amour est mort, c'est pas de ma faute. Elle aime collectionner les hommes. Trois numéros de téléphone. Allô chérie, rien que ça sonne. Cyclone en vie quand elle est dans la zone. Polygame, polygame, polygame, polygame, polygame, polygame, polygame, polygame, polygame. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oui mesdames. Collection, toi et moi, connexion. Vraiment nos au soleil, déconnexion. Ma main sur ton crâne, je relâche la pression. Bang. Même toi ma chérie, faut pas te cacher. Ton boulot est chargé, tout comme ton passé. Tu n'es pas la seule, non, faut pas te fâcher. T'es fan de moi, mais tu vas te lasser. Fatigué de chercher la bonne, ce que j'ai proche chez l'une, je l'ai chez l'autre. Elle ne veut que le sexe et la somme. Si l'amour est mort, c'est pas de ma faute. Elle aime collectionner les hommes. Trois numéros de téléphone. Allô chérie, rien que ça sonne. Cyclone en vie quand elle est dans la zone. Polygame, polygame, polygame, polygame, polygame, polygame, polygame, polygame, polygame, yeah, yeah. Dédicace à tous mes qu'un free. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mais elles sont où ces femmes là quand t'as besoin d'elles? Si, si. Fatima là. Karima. Hey, appelle Mélanie là. Elles sont où? Ça c'est mon gars Dr. Bellris. Polygame même, on t'a dit. Watibé. Bienvenue chez les hommes polygames. Elles connaissent la règle, laisse-moi te faire visiter Paris centre. Bienvenue chez les hommes polygames. Elles connaissent la règle, laisse-moi te faire visiter Paris centre. Je ne sais plus où donner de la tête aux gars. Elles sont toutes pas mal. Africaines, européennes, antillaises. De l'Asie, République Dominicaine. Et laisse-moi faire le plat pour le week-end. John Obama, on m'appelle Yes Weekend. Polygame, polygame, polygame, polygame, polygame, polygame, polygame. Polygame. Oui mesdames. Woo. L'artiste baby. Skyrock. Rai suprême. DJ Kaiz. Hey yo. Polygame. Attention, c'est pas un appel à la polygamie. C'est parce que vous mesdames, vous aussi vous êtes polygame. Non? N'est-ce pas? N'est-ce pas, mes chéris? Passez-moi, papa. Si, si. Hello. Antiken. Halep. Hel Halep. Halep. Ça, ça vient de chez nous, ça. Hel Halep. Rotebe. Roya sphère, pareil, et que me. Birim. Ho. La fête, tebe. Roya kolo, kosu, kosu. Oussalama, la boye. Roya hakelele nifi. Hey, yo. Roya hakelele nifi. Roya hakelele nifi. Roya khode le banana. Agadir awa, masakin awa, ashiki dawa, chicken mi sahbe Muhammadu. Agadir awa, masakin awa, ashiki dawa, chicken mi sahbe Muhammadu. Fikiti, fikiti, ana jet melhe. Fikiti, fikiti, ana jet melhe. Oya show, akwara. Marrakech, on arrive. Hoya kolo kusu kusu salama la boye. Hoya hakelele nifi. Hey wa. Hoya hakelele nifi. Hoya hakelele. Hey, j'espère que vous ambiancez comme je suis ambiancé là. Boras. انا جيت ملها فيكيت فيكيت انا جيت ملها خويا شوف خويا ورا اللعبة بيا هزارة خويا شوف خويا ورا هي معي سيراي سوبريم سكاي روك Aïe, un piercing de nos arts. C'est toi et moi ce soir, comme des étoiles dans le noir. J'ai retrouvé envie d'y croire. Moi qui avais perdu l'espoir. Je veux une gros bien, pas classe X. Pas comme ces bolides qui passent trop vite. Danse pour moi jusqu'au bout de la nuit. Y'a que dans tes yeux que je revis. Ma baby girl, señorita, ma baby girl, mamacita, c'est toi et moi ce soir. On est sept super, hey, on n'a rien à foutre, on en a plus rien à faire. Eh ben oui, et quel yoma, et yoma, et yoma. Eh ben oui, et quel yoma, et yoma, et yoma. Je marche sur le sol, le bitume s'enflamme. Je dis bonjour à tout le monde, salam, salam, salam. J'ai aperçu ta silhouette, yeah. C'est le milieu de la piste. Tu te déhanches discrètement sur le dernier son de l'artiste DJ Case. Ana wiyak, ana wiyak, nfarhu l'yom. Ana wiyak, ana wiyak, nhebelu l'yom. Ana wiyak, ana wiyak, nfarhu l'yom. Ana wiyak, ana wiyak, nhebelu l'yom. Tonight, DJ Case, Rai Supreme, l'artiste baby. Allez tout le monde, on s'ambiance tous chez soi, en voiture. Et fais attention à ne pas boire en conduisant, surtout. Mais on s'ambiance toujours. Skyrock, Rai Supreme. Phénoménaux dans les bacs. Phénoménaux dans les bacs, la famille. Woo! C'est toi et moi ce soir. On est sept sur terre. On n'en a rien à foutre. On n'en a plus rien à faire. Ok. Elioma, Elioma, Elioma, Elioma, Elioma. C'est toi et moi ce soir. On est sept sur terre. On n'en a rien à foutre. On n'en a plus rien à faire. Merci la famille pour tous vos messages. Tous ceux qui envoient des textos, des messages, merci, des tweets. Ah, continuez avec le hashtag Rai Supreme, DJ Kaze, hashtag Skyrock. Zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama, zama écouter la chanson, profitez. Je t'emmène sur IM, si elle tu régneras. Au royaume de l'amour et de la joie, mon rêve, mon désir, c'est toi. Je me sentirai roi, Zama, Zama. Ah ah, Zama, Zama. Ouais, c'est moi, c'est Zama, Zama. Arisa, Nova. Zama, Zama. Oumid, Kata, Ternota. Zama, Zama. Wano, Hida, Mata. Zama, Zama. Tu dois me suivre comme ça. Zama, Zama. حسن تسوثي ثويل النوم دوك دتنس حنا ثاذي يا ودروم ثروة غتغلب تلوي ثاقلوم يقف على كابيني عطو لي شنو يا مازيغ حسن تسوثي ثويل النوم دوك دتنس حنا ثاذي يا ودروم ثروة غتغلب تلوي ثاقلوم يا لا لا دا لا لا لا يا لا لا Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Skyrock. Yeah, yeah. Ok, ok. خاطر تزور المون الحفلة دي روح والليلة ربلوها راهي انا موت في خاطر تلمون ماما ميا Je ne pas mon frérot Kader japonais. Chips. Yeah. Yalla. Là c'est les épaules. Et hey, ouah. DJ Christ. Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Et la famille, on vous accompagne ce soir. C'est Rail Suprême, c'est DJ Case. On fumait 350 Benji sur les bords de la corniche. Habchini, Merlige, rien à perdre. Rime calme, malade mental, plus connu que le hey, je m'en bats. Je voudrais passer les aînés à ma bien-aimée avant que je taille. Comme Cheb Hesney, je suis sentimental. Partir loin, rien à perdre, riposte, ne nous lâchez pas. Laissez-moi de toi, comme Robinson sur une île. Mon mouton, j'appellerai mercredi. Et dès que l'avion atterrit, j'applaudis. Comme les Chibeni, je vous rends la carte résidence à moment d'évasion. Yarma, lève-toi et danse. Et un babour, y'a mon amour, خرجني من la misère. Et dédicace à mes gars de Justin. Débrouillard, je t'annonce, amène-moi loin de la misère, mon plus fidèle compagnon. En route pour les Dorado, même en classe, c'est Codiello, sac à dos. Partir loin, sans les cousins, les placards, c'est dur. Je me considère chanceux d'être en vie, pourvu que ça dure. J'ai grandi qu'avec des voleurs, j'aurai toujours les you-you qui résonnent dans ma tête à la quête du bonheur. Lève-toi et danse avec classe. C'est DJ Case, sur Rail Suprême. عندك ما تختار يا كل شيء كيف فيك وقت الزينه محضر كل شيء بالله قريب عيلي من الصبر يا راهم كاتروا يا مع بدايه اليوم والله صدروا يا عشق Immortel 2 bientôt dans les boîtes, c'est je vais voir DJ Kays danser aussi. Et Allah, ça

semaine prochaine, les exclus de Paris au New York, DJ Case. Jeune, jeune, ne tire pas sur ma chicha, surtout si t'as les dents jaunes. On est là pour la déconne, on sera pas tous les jours jeune. Toi t'es là, t'es sérieux, mais tu passes une soirée jeune. Fini les temps du rail, ma cité a déjà craqué. On move sur du rail avec des gonzesses à croquer. Si les keufs nous écoutent, faut surtout pas paniquer. Quand je parle de tuyaux au charbon, c'est un pour braquer. T'as souffert pour te plaire, respecte la mise. Les traces sur son bras, c'est le fer babélis. Talons aiguilles, team grosse grise. Elle a un pack plus marotte, bête de vie. J'ai refusé des trios avec des jolies femmes. Faut pas non plus abuser, je vais sauver mon âme. Nage et dame, Pécan, Didi Kaiser, tu sais obligé que t'es fan. C'est fou le bordel, fou le bordel. DJ Kaiser, c'est fou le bordel. Fou le bordel, fou le bordel. Comme on est attendu, DJ Kaiser. Fou le bordel, fou le bordel. Fou le bordel, fou le bordel. Fou le bordel, fou le bordel. Fou le bordel. DJ Kaiser, Rai Supreme. L'artiste, bébé. Phénomène dans les bacs, la famille. J'aime pas ta jasmine, il a rien d'un aladin. T'as cru qu'il était plein, t'as fini au baladin. J'fais le tour du périph', c'est comme ça qu'on se balade. Qatari et champion, toujours numéro 1. Que Dieu me pardonne, j'fais vider des bouteilles. J'rappelle pour les gros, ça ramasse tous mes reins. Je sais qu'un jour j'vais couler, vu que j'vais vous saouler. Mais tant que je serai là, la concurrence va recouler. Jusqu'au bout de la night, autant c'est abusé. C'est le phénomène. La musique nous a usé, c'est le phénomène. Au bout de la night, Champs-Élysées, cheese photo, pizza pino, Bocatello, tu connais la suite. Hey. Oh la fille à sa DJ maman, Kays. Oh, moi. Mon Kaizune. Tu connais les bails, hein? Je connais. Tu vas la secouer. Vraiment, vraiment. Tu vas la secouer. Fou le bordel, fou le bordel. Hey, celui-là, je le dédicace à ma maman. Pouvoir d'achat. Celui-là, je le dédicace à ma maman. C'est ma chérie. L'autre, l'autre, c'est mon amour. L'autre, l'autre, l'autre, l'autre, l'autre, l'autre, l'autre, l'autre, l'autre, l'autre. Classique. Ok. Après ce petit classique, l'artiste Baby. Je vous rappelle la famille que l'album est dans les bacs. Vous pouvez le pécho demain matin à la Fnac ou ce soir sur iTunes. J'suis polygame, abusé. C'est mon malheur, abusé. J'aime trop les femmes, abusé. C'est mon malheur, abusé. Même vous mesdames, vous abusez. Polygame, abusé. Pas d'amalgame, abusé. Elle ne veut que le sexe et la somme. Si l'amour est mort, c'est pas de ma faute. Elle aime collectionner les hommes. Trois numéros de téléphone. Allô chérie, rien que ça sonne. Cyclone en vie quand elle est dans la zone. Polygame. La famille allait le chercher. Oui, mesdames. Et ouais. Collection, toi et moi, connexion. Vraiment dans ce soleil, déconnexion. Ma main sur ton crâne, je relâche la pression. Bang. Même toi, ma chérie, faut pas te cacher. Ton boulet chargé, tout comme ton passé. Tu n'es pas la seule, non, faut pas te fâcher. T'es fan de moi, mais tu vas te lasser. Fatigué de chercher la bonne, ce que j'ai pas chez l'une, chez l'autre. Elle ne veut que le sexe et la somme. Si l'amour est mort, c'est pas de ma faute. Elle aime collectionner les hommes. Trois numéros de téléphone. Allô chérie, rien que ça sonne. Cyclone en vie quand elle est dans la zone. Polygame, polygame, polygame, polygame, polygame, polygame, polygame, polygame, polygame. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oui mesdames. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mais elles sont où ces femmes là quand t'as besoin d'elles? Polygame. Fatima là. Karima. Appelle Mélanie là. C'est dans les bacs la famille. Ça s'appelle Phénoméno. C'est l'artiste Pays Bay. Bienvenue chez les hommes polygames. Le clip sera en ligne demain. Bienvenue chez les hommes polygames. Ils connaissent leurs règles, laisse pas te faire visiter par les autres. Je ne sais plus où donner de la tête mon gars. Elles sont toutes pas mal. Africaines, européennes, antillaises. De l'Asie, République Dominicaine. Laisse-moi faire le plat pour le week-end. John Obama, on m'appelle Yes Weekend. Polygame, polygame, polygame, polygame, polygame, polygame. Si, si, c'était l'artiste Baby avec vous. Pour Rail Suprême avec mon frérot DJ Kaiz. L'album est dans les bacs, allez le chercher la famille. Ça s'appelle Phénoméno. Hey yo, Purple Money, 609. C'est Skyrock et c'est Rail Suprême le dimanche soir. DJ Kaiz, l'artiste qui nous ont ambiancé cette heure incroyable. C'est une heure de folie. Une heure de dingue, de grand malade. On rappelle que l'album est dans les bacs depuis, voilà, depuis une bonne heure maintenant en digital. Et sinon, demain matin, dès l'ouverture des magasins, il y a aussi le support physique pour ceux qui aiment bien l'objet. Yes. Donc récupérez cet album Phénoméno, l'artiste avec nous. Kaiz, on n'a pas parlé, on n'a pas fait un petit point. Est-ce que tu as des soirées toi aussi? Oui, moi j'ai des soirées, mais même l'artiste, je pense qu'il a peut-être. S'ils peuvent se préparer pendant. Alors moi, vendredi 3, je suis aux Séductions, c'est à Ivry sur Seine. Le samedi 4, je suis au Vegas à Morbier, donc dans le Jura. Et ensuite, j'ai plus le planning, mais ce week-end-là, je suis là, voilà. Et on peut te suivre. Et on peut me suivre. Et ce qui est formidable, c'est que j'ai ouvert un Snapchat cette semaine, je suis à Porta. C'est DJ Kaiz Paris. Donc les photos nues de DJ Kaiz. C'est ça, les chaussettes rouges et jaunes à petits pois. C'est uniquement sur Snapchat. Snapchat, voilà, DJ Kaiz Paris, cliquez, rajoutez, il y a des trucs de malade dedans. Et la page fan Facebook, DJ Kaiz, et Instagram, Twitter, DJ Kaiz Paris. Et toi l'artiste, on peut te retrouver. Est-ce que tu as des dates justement annoncées ou te suivre sur les réseaux sociaux? J'ai pas mal de dates en fait. On va commencer avec l'album, on va commencer à le défendre vraiment sur scène dès maintenant quoi. Le 3 avril aussi. Après DJ Kaiz, vous pouvez venir me rejoindre au Pure Club. Ça c'est à Pavillon sous Bois. Mortel, c'est pas loin. Le 2 avril, je serai au Select un jour avant. Le 5, je serai au Garden Beach à Paris. Le 10, au B-Box à Clermont-Ferrand. Le 11, au Panamera à Annecy. Et le 18, au Papagayo à Bolène. Très bien. Voilà. Donc, et puis, il y a plein d'autres dates aussi, je suppose. Parce que toi, tu tournes beaucoup. Hein. Il tourne toute l'année. Je tourne toute l'année. Donc, allez voir l'artiste près de chez vous. Et pour te suivre donc, sur les réseaux sociaux, on clique où? On clique sur Twitter, The Real Artist. The Real Artist. En carry, quoi. The Real Artist. Ouais, The Real Artist. Sur Snapchat aussi, c'est le même. C'est The Real Artist. Sur Instagram aussi, c'est pareil. L'artiste officiel. L'artiste 93 sur Facebook. Et l'artiste officiel sur YouTube. Voilà. Merci d'avoir été avec nous pendant une heure en tout cas. Bonne chance à cet album qui est dans les bacs depuis aujourd'hui. Yes. Déjà. Allez l'acheter, la famille, l'artiste Baby dans les bacs, Phénoméno. Déjà en digital dès maintenant. Si vous avez kiffé le son de l'artiste, allez-y, prenez-le. Il y a combien n'attendez de titres, pas. Il y aura 14 titres, 14 titres sur l'album pour 9,99€, même en physique. Donc voilà, quoi, c'est moins cher qu'une formidable. Il y a eu deux inédits pour ceux qui ont la chance de précommander cet album. Merci à vous, Case. La semaine prochaine, Laurent Carr. Allez, à la semaine prochaine. Entre minuit et une heure pour un nouveau Rail Suprême. Ciao. Urban Music. Non-stop. Skyrock.